Auditeurs de Canal B sur l'antenne de 94 MHz, c'est l'Asile Obscure qui démarre le lundi à partir de 21h30 et des poussières. Émission que vous pouvez aussi écouter à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Les podcasts sont à jour, les playlists également avec les liens, pas mal de vidéos également en lien sur le site de l'émission asile35.blogspot.fr. Alors, émission estivale de début du mois de juillet, donc comme il est de rigueur en cette saison, je vous propose une petite spéciale autour des festivités de l'été. Alors non pas la fête des brodeuses ou des vieux gréments, mais plutôt les festivals dans les musiques de traverse et du jazz contemporain free et impro. Et on démarre avec le festival Météo qui aura lieu à Mulhouse, comme c'est le cas depuis une bonne quinzaine d'années au mois d'août, à la fin du mois d'août. Enfin, il y a une petite aparté à la campagne à partir du début du mois d'août, mais le plus gros des hostilités démarre le mardi 23 jusqu'au samedi 27. Et cette année, il y a un invité de marque à l'honneur. Il s'agit du saxophoniste suédois Mats Gustafsson qui présentera pas moins de 3 projets, une grande formation, un new ensemble, également son duo avec le joueur de Biniou Erwan Keravec Luft et pas mal d'autres choses. Et je propose de démarrer avec un coffret qui vient tout juste de sortir qui s'intitule MG50 Peace and Fire. Il s'agit de Mats Gustafsson et tous ses amis à l'occasion d'un festival qui s'était tenu à Vienne, là où réside le saxophoniste. Ça avait eu lieu entre les 27 et 28 octobre 2014 à Vienne avec quantité de projets, et un coffret quadruple CD vient tout juste de voir le jour sous étiquette Trost Records avec pas moins d'une quarantaine de pièces et 2 livrets de photos. Et je propose d'attaquer l'émission de cette semaine avec une version de Fire, son projet aux côtés du bassiste Johan Bersling et de Andreas Werling, qui sont rejoints par le claviériste Agustí Fernández et les deux chanteuses du Fire Orchestra, Mariam Valentin et Sofia Gernberg. On écoute le titre plutôt long, extrait de ce MG50 Peace and Fire Exit Part 2 par Mats Gustafsson. Fire de Mads Gustafsson avec un titre qui fleurait bon les années 70, extrait de ce coffret MG 50 Peace and Fire, enregistré pour le festival de ses 50 ans à l'automne 2014 à Vienne. Et c'était pas la version Fire Orchestra qui vient de sortir d'ailleurs le disque Ritual sur Rune Gramophone qu'on vous avait passé il y a de ça quelques semaines, mais une version donc du trio en compagnie notamment d'Agusti Fernandez à l'orgue et piano électrique, et les deux chanteuses du Fire Orchestra étaient de la partie, de même que Erwan Keravec qu'on avait pu entendre aussi au printemps dernier sur Lorient, au théâtre de Lorient, dans une version Fire augmentée en compagnie du joueur de Pignou breton bien connu, donc Mads Gustafsson and Friends, à l'occasion de sa venue pour le festival de Mulhouse Météo à la fin du mois d'août prochain, où il présentera pas mal de groupes, un new ensemble où on retrouve un peu tous ces gens là d'ailleurs, et aussi pas mal d'autres soufflants, et il sera aussi en compagnie de son groupe The Thing aux côtés de Paul Nissen Love et Ingebrigt Acker Flatten, qui seront rejoints par Joey McPhee. Ça, ce sera donc autour du mercredi 24 août. Et dans ce coffret assez dément qui vient de sortir sous étiquette Trust Records, on retrouve The Thing, cette fois rejoint par Ken Vandermark, et puis pas mal d'autres choses. Il y a aussi des pièces solo d'ailleurs de différents musiciens, notamment Erwan Keravec, un coffret qu'on peut acquérir d'ailleurs à très très peu cher, autour de 30, 35, 40 euros. Voilà, si le cœur vous en dit, et si vous aimez la musique du saxophoniste d'origine suédoise. On va continuer avec des musiciens, cette fois autrichiens de Vienne, donc des vrais viennois. Il s'agit de Ventil, qui est le projet dans lequel on peut retrouver le guitariste et bassiste Peter Kutin et Florian Kindlinger, pour une musique un peu post-rock, un peu noise, assez connotée aussi électronique ambiante. Ça fait pas mal penser à du post-radiant, pour ceux à qui ça évoque quelque chose, la musique de Ventil. Et ils sont rejoints pour ce projet par le joueur d'électronique Michael Lanner et la batteuse Katerina Ernst. Ils avaient fait paraître un album, c'était au printemps 2015, il y a de ça un an, qu'on vous avait proposé dans cette même émission, et je propose de les réentendre puisque eux aussi seront de la partie pour le festival Météo, et c'est à signaler parce que c'est des musiciens qu'on entend quasiment jamais sur le territoire français. Donc ce sera le mercredi 24 août également, donc un peu avant les gens de The Thing, Joe McPhee. Il y aura aussi Louis Minus 16 d'ailleurs le mercredi 24 juin, et donc les musiciens de Ventil qui produiront donc leur musique à connotation un peu hybride et un peu post-Zizit. Je propose donc d'écouter un extrait de ce disque éponyme qui était sorti l'an dernier sur leur propre étiquette. C'était sorti en vinyle. Ils viennent d'ailleurs de faire paraître, il y a de ça quelques semaines également, un split sur lequel on retrouve le guitariste Peter Kutin avec un autre musicien qui répond donc de Asfast. Et là, je propose d'écouter le Ventil au grand complet, donc le groupe de post-rock, on pourrait dire, autrichien, avec le titre Duplex. Thank you. La vie, à petit budget. La vie, c'est des rangs précaires. La vie, mal compressée, ma vie moderne. Thank you. la vie sauvage. À l'instant, vous avez entendu une séquence de trois titres enchaînés qui a démarré avec Ventile, le projet de Vienne qui réunit messieurs Kutin et Florian Kintlinger, guitare électronique plutôt au cordeau, extrait de leur premier album éponyme qui était sorti il y a de ça un an et qui seront au festival Météo, le festival de Mulhouse à la fin du mois d'août, et c'est assez rare pour être signalé. On a enchaîné avec Les Massifs de Fleurs, qui est la rencontre entre l'électroacousticien et bidouilleur sonore, toujours avec des textes à se cogner la tête sur les murs de Lille, monsieur Frédéric Lejinter, et ses Massifs de Fleurs dans lesquels on le retrouve aux côtés du guitariste Dominique Repeco, qui lui-même est patron de festival et pas des moindres, celui de Nancy ou de Vendeuvre Les Nancy, plus exactement, Festival Musique Action, depuis une bonne trentaine d'années. Il s'agissait de leur deuxième disque sorti il y a de ça quelques un an aussi. C'était sorti également à l'été 2015 aux éditions du CCAM de Vendeuvre Les Nancy. Et Les Massifs de Fleurs, eux, seront à l'affiche du Festival Jazz à Luz de cette année, qui démarre la semaine prochaine. Le festival 26e édition en date, qui a toujours lieu au mois de juillet, la mi-juillet, je pense que c'est le cas depuis quasiment l'origine, donc ça commence le 12 juillet et les Massifs de Fleurs sont programmés le 14, oui c'est bien ça, le 14, le jeudi, donc Frédéric Lejinter et Dominique Repeco, avec également dans cette après-midi soirée le trio entre Thomas Bonvalet, Gaspard Klaus et Will Gusry, donc une rencontre inédite. Pas mal d'autres choses dans cette même journée qui se terminera par le projet France de messieurs Gourdon, Thilly et Jérémy Sauvage. Mais je propose d'enchaîner avec une autre formation qui est programmée au festival du Pays Toy de Haute-Pyrénées Jazz à Luz cette année. Il s'agit de Ostar Claqué, formation de Toulouse, toute nouvelle formation qui réunit l'intégralité des Canimals et Vainé en compagnie de Piak, et je me rends compte que j'ai oublié de vous désannoncer le troisième sélection, à savoir Hyperculte, qu'on écoutait juste à l'instant, qui eux aussi sont programmés au festival Jazz à Luz. Les Hyperculte, qui est la rencontre entre Vincent Berthollet, le contrebassiste de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, entre autres choses, et Simone Aubert, la guitariste, batteuse, chanteuse d'origine suisse. Et tous les deux, donc, ils forment un projet qui vient de produire son premier disque officiel, sorti il y a de ça quelques semaines. C'est un disque éponyme produit par Red Wing, qu'on vous avait déjà programmé. Donc on écoutait le titre qui démarre cet excellent album. C'était le titre Les Crabes, et Hyperculte, eux, sont programmés sans doute dans une sélection un peu plus dansante du festival. Oui, c'est en fin de la première journée du mercredi 13 juillet, donc mercredi de la semaine prochaine, juste après le trio Chess Smith, Craig Taborn et Matt Meneri. Mais la place à Ostar Claqué, donc la nouvelle formation qui réunit les Canimals et Vainé en compagnie de Florian Nassau, Storgue de Piac. Donc messieurs Marc Demero, Fabien Duscomp et Nicolas Laforest, qui sont un peu des habitués du festival Jazz à Luz depuis un paquet d'années. Et on va écouter un titre, alors c'est pas un titre encore sorti sur disque, de Ostar Claqué. Peut-être qu'ils ont prévu d'enregistrer prochainement un premier album. En tout cas, donc on écoute le titre D'où viens-tu, Alco Fribas, par Ostar Claqué. Thank you. Dans les îles plus sûres, deux projets d'impro free qui joueront au festival Jazz Alus de cette année qui démarre dans quelques jours, la semaine prochaine à partir du 13 juillet. On a démarré avec Ostar Claqué, la toute nouvelle formation de Toulouse qui réunit les Cannibales Évahinés au grand complet en compagnie de leur camarade Florian Nestorg du groupe Piak, les petits Piak qui avaient fait sensation aussi, bon, ils avaient joué à Rennes aussi, à la Maison de la Grève, et ils avaient joué aussi un matin en fin de matinée pour un concert vraiment brillantissime au festival Jazz à Luz, et c'était il y a ça 2 ans. Et donc on pourra retrouver Florian Nestorg en compagnie d'Ostar Claqué, formation plutôt mélange un peu free rock et free noise, quintette kaléidoscopique avec pas moins de 2 sax autour des ambiances un peu baryton mélangées avec de la guitare assez acide, et puis une section rythmique vraiment fantabulesque menée par Fabien Duscomps. On ne compte plus les nombreux projets du batteur de Cannibales Évahinés, donc tout ça, ça jouera au Jazz à Luz de cette année, formation qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir en dehors du Sud-Ouest. Si vous êtes dans le le coin, je ne peux que vous conseiller d'aller au moins écouter le samedi les Ostars claqués. Et on a enchaîné avec le 7e continent Talking Trash, le projet du contrebassiste franco-allemand Pascal Nigenkämper, qui vit à New York et qui a réuni un projet vraiment excellent. Je vous avais déjà passé un extrait de ce disque, une sorte de concept album autour de la pollution des océans, où on retrouve le contrebassiste dans un registre plutôt compositionnel. Il a convoqué des musiciens assez friands d'aventures sonores, notamment les clarinettistes Joris Rühl et Joachim Badenhorst, et les pianistes préparés Ev Risser et Philippe Zubek. Il y a aussi un autre contrebassiste, Julian Elvira. C'est un disque qui est sorti aux éditions Clean Feed il y a de ça quelques semaines, je crois que sorti au mois de mai. Il s'agit d'un projet plutôt de concept album qui sera donc joué sur scène au festival Jazz à Luz. Ça jouera le deuxième soir, sans doute sous le chapiteau de Jazz à Luz, le jeudi 14 juillet, juste avant les Massifs de Fleurs et Autre France. Et on va continuer avec un autre musicien qui lui joue la veille. Il s'agit de Gaspard Klaus, le violoncelliste hexagonal, qui est assez peu productif au niveau des disques. Il sort à peu près un album tous les deux ans. Monsieur Gaspard Klaus est souvent en compagnie de son paternel, qui répond au nom de Pedro Soler, qui est l'une des légendes des musiques arabo-andalouses, avec pas mal de disques à son actif aux éditions Al-Sour. Ils ont fait paraître récemment un nouveau disque tous les deux sous le titre Al Biento. Alors c'est pas celui-ci que j'ai prévu de vous passer, mais le premier disque solo de Gaspard Klaus, que je ne vous avais d'ailleurs pas passé à l'époque, donc je vais me rattraper. Il s'agissait d'un disque enregistré à l'occasion d'un séjour de très très longue durée au Japon. L'album s'intitule Joakiyu, et Monsieur Klaus sera donc en concert à Jazz à Luz dans une formation qui risque d'être assez exceptionnelle aussi, aux côtés de Thomas Bonvalet et de Will Guthrie, donc pour un trio totalement inédit. À ma connaissance, ils n'ont pas dû le jouer du tout, et donc ce sera sans doute la première pour le festival Jazz à Luz. On va écouter un extrait de ce Joakiyu dans un esprit très gagaku japonais par Monsieur Gaspard Klaus. petit avant-goût des festivals de l'été sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, mais pas du tout des festivals estampillés Télérama, plutôt des festivals d'impro et d'expérimentation free. On a démarré avec le violoncelliste Caspar Klaus et son Joa Q, disque qui était sorti sur Modest Lounge en 2013. Et Caspar Klaus sera au festival Jazz à Luz, alors je pense pour la première fois, donc en compagnie de Thomas Bonvalet et de Will Guthrie. Ce sera le premier jour, le mercredi 13 juillet, pour cette édition de Jazz à Luz. Et on a enchaîné avec la musique de Mathias Delplanck et ses dragons, ses Drachen, enregistré avec pas mal d'instrumentarium, un instrumentarium très bigarré, et des fils de recordings enregistrés dans son pays de naissance au Burkina Faso, le disque Drachen qui était sorti sur DC d'ailleurs. Et Mathias Delplanck, lui, jouera au festival de Mulhouse Météo. Il jouera cette propre musique là qui est assez dark ambiante. C'est peut-être le disque le plus dark ambiante d'ailleurs de Mathias Delplanck depuis une bonne dizaine d'années. Il jouera donc au festival Météo cette musique de Mathias Delplanck. Et on va continuer avec un musicien qui lui aussi a officié à Jazz à Luz et qui s'investit dans un autre festival, cette fois-ci en Dordogne, du côté de Bergerac, à Caissac très exactement. Il s'agit du festival Écoutez pour l'instant, le festival EPI qui aura lieu à la toute fin du mois de juillet, entre le mercredi 27 et le samedi 30. Il s'agit de notre camarade Thomas Gouban qui est co-organisateur avec les membres de sa famille de ce festival EPI depuis quelques années, d'abord dans les chapelles du Périgord pendant tout l'été. Et cette fois-ci, donc, ils ont concentré sur un long week-end avec un festival assez incroyable, avec quantité de choses dans le domaine de l'improvisation et aussi de la recherche sonore. Pas mal de musiciens étrangers, notamment des Norvégiens. Il y aura d'ailleurs les chanteuses qu'on a entendues au début aux côtés de Mats Gustafsson, la chanteuse Sofia Jernberg, aux côtés de Martin Taxt, le joueur de tuba, et un bidouilleur électronique Henrik Olsen. Également Jasper Statuters de Cactus Truck et compagnie, et quantité de projets, notamment Spinifex et pas mal d'autres. Il joue notamment aussi aux côtés de Ken Vandermark, le guitariste bassiste hollandais, et lui il sera aux côtés de Christophe Kursman à l'électronique et Isabelle Dutoit. Ça sera le premier jour avec une programmation vraiment très très bonne. Thomas Gouban lui jouera aux côtés de Joseph Dumoulin, le claviériste d'origine belge, et le saxophoniste Guilhem Verger. Pas mal d'autres trucs un peu tout au long du festival, également des installations sonores, notamment par Ville Monteur dans le village donc de Caissac. Et on va écouter un extrait d'un disque de Thomas Gouban pour illustrer, mais un disque plutôt d'un duo qu'il a rejoint. Il s'agit de Transmap, la rencontre entre le saxophoniste soprane Evan Parker et le turntabliste et joueur d'électronique Matt Wright. Ils avaient fait paraître un premier disque à l'origine sur PSI, le propre label de Evan Parker. On avait pu les entendre d'ailleurs à la bascule. Ils nous avaient fait la joie de venir improviser à la bascule à Rennes, et ils avaient joué aussi au festival EPI Écoutez pour l'instant. Là je propose de les entendre dans un disque CD en édition très limitée produit par le consortium Huddersfield Contemporary Music Festival. Il s'agit d'une performance enregistrée aux instants chavirés de Montreuil. On écoute plusieurs séquences de ce live improvisé aux instants chavirés par Evan Parker, Matt Wright et Thomas Gouban. Thank you. Thank you. l'Asie le plus sûr, une séquence pour illustrer le festival qui aura lieu en Dordogne du côté de Quessac. Écoutez pour l'instant, on a écouté tout d'abord la musique de Thomas Gouban aux côtés d'Evan Parker et Matt Wright. Alors ces trois-là ne joueront pas cette année au festival, la 10e édition Écoutez pour l'instant, où il s'était produit il y a de ça quelques années. Evan Parker, je crois, joue plutôt au Portugal pour le fameux festival de jazz co-organisé par la fondation Gulbenkian et Clean Feed. Et on entendait à l'instant la musique assez énigmatique de l'ensemble 1, qui compte pas moins de 30 musiciens du sud-ouest, principalement de Bordeaux et de Toulouse, notamment mené par le contrebassiste David de Chiesa. On entendait une pièce composée par Mathias Pontevia, pas mal de musiciens au sein de ce projet, notamment Johan Massé aussi, 3-4 batteurs, pas mal de cordes, des reprises de musique contemporaine, de l'improvisation oblique tous azimuts. Ces 30 musiciens s'étaient produits également au festival Jazz à Luz l'an dernier. D'ailleurs, c'est des pièces qui figurent sur leur site unensemble.net, qui avait été enregistré à Luz le 11 juillet 2015 et donc ils se produiront dans le cadre du festival Écoutez pour l'instant. Ce sera le samedi 30 juillet du côté de Quessac, tout près de Bergerac. Voilà, l'émission est quasiment terminée. Je voulais également vous signaler un autre excellent festival, le festival Le Bruit de la Musique, organisé par les gens de l'association Rio Anji, qui lui aura lieu dans la deuxième moitié du mois d'août, entre le 15 et le 20 août, dans la Creuse, avec pas mal de choses aussi du côté de l'improvisation en milieu naturel assez exceptionnel. Il y aura d'ailleurs un solo de Will Guthrie, et puis pas mal de choses aussi, un hommage à Dada et quantité d'autres choses par les gens de l'association Rio Anji. Voilà, donc on va se quitter avec un dernier titre, le temps de vous rappeler que ce programme est entièrement réécoutable sur son blog asile35.blogspot.fr, avec l'intégralité des références de ce qu'on a pu entendre ce soir. La semaine prochaine, dernière émission en direct avant des spéciales qui nous conduiront jusqu'à la deuxième moitié du mois d'août, et on va se quitter avec un dernier titre et la musique non pas d'un musicien qui se produira cet été en fait dans les festivals que je vous ai proposé ce soir. Il s'agit de Jean-François Plomb et son projet Giflure, qui a sorti Nouvelle Galette, un nouveau vinyle. Le premier était un split aux côtés de Pied Gauche, son autre projet, et donc là il s'agit de Giflure, son projet de valise en carton sonorisé avec différents ressorts, baguettes et autres armadas d'élastiques. La musique est toujours assez fantastique, elle fait penser un peu à celle de Pierre Bastien. Le disque est produit cette fois par les éditions Grava. Il s'agit d'un maxi 45 tours, comme on dit, et on écoute donc pour se quitter Giflure. Je vous souhaite une très très belle nuit et un très bel été. À bientôt. Thank you. Ha ha ha! Oh.